غني. المرأة، ما اسم المرأة التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح؟ Quel est le nom de la femme que le prophète عليه الصلاة والسلام a divorcé? On l'a vu dans le dernier cours, t'étais là? Umayma. Waqila, mada? Waqila, Asma. Naam. طيب. ولماذا طلقها النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الغني؟ Il aime bien cette parole-là et elle lui a dit c'était أعوذ بالله يعني استعاذت بالله من النبي صلى الله عليه وسلم. Elle a cherché refuge auprès d'Allah contre le prophète عليه الصلاة والسلام. Et lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام a entendu ces paroles, il l'a tout de suite divorcé. Bien sûr, il y a un khilaf, il y a une divergence entre les savants sur le pourquoi elle est venue à dire cette parole-là. Certains ont dit que c'était à cause de son orgueil, comme ça a été dans la version qui est dans le livre là, que lorsqu'elle a dit, Mada, qu'est-ce qu'elle a dit cette femme-là? Voilà, les reines, comment une reine pourrait-elle se marier avec les gens de la masse? Ah ouais, avec quelqu'un des gens de la masse. Non. Ça montre, ou ça prouve, ou ça appuie la parole des savants qui disent qu'elle a dit cette parole-là par orgueil. Et d'autres ont évoqué certaines versions où il est évoqué, comme a dit Abdel Ghani, qu'elle a été conseillée par deux femmes du prophète, alayhi salatu wa salam, qui sont Hafsa wa Aisha. Hafsa wa Aisha. Naam. En fait, on ne pourrait pas dire la plus sahih des deux versions, puisque même l'imam Al-Hafidh ibn Hajar, il te dit il est possible que ce soit deux histoires différentes. Il est possible, rien n'interdit que ce soit deux, ça soit passé à deux histoires différentes. Donc ça serait que l'une, elle s'appelait Umayma, et l'autre Asma. Tamam. Ça c'est une chose. Deuxième chose, les versions qui sont venues pour dire que c'était sous le conseil de certaines mères des croyantes, il y en a quelques-unes qui sont faibles, quelques-unes qui sont bonnes. Les savants, ils disent qu'à la base, il y a tout, en rassemblant toutes ces versions, ça laisse une base à cette histoire. C'est-à-dire que certaines femmes du prophète, alayhi salatu wasalam, ont mal conseillé cette femme-là. Et tout ça montre encore une fois que Al-Mar'a, Mahma balagat, يعني فضيلتها أو فضيلتها قد نرى منها ما نرى من المنكرات. Donc la femme, peu importe le mérite, peu importe le rang qu'elle a atteint, peu importe la science qu'elle a atteint, il se peut qu'on constate d'elle des méfaits qui sont plus ou moins grands. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه مليئة بشيء من ذلك. Et la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, confirme que Mada, on peut trouver chez des femmes d'un grand mérite certaines erreurs et certaines certaines choses désagréables. Fa l'insan yasbir. ولا يبادر بماذا بالطلاق أو شيء من ذلك. انظروا كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه. نعم. طيب قال باب إذا قال فارقتك أو صرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عنا به الطلاق. Donc si la personne, là c'est un chapitre, qui dit que si la personne dit à son épouse, je me sépare de toi. Il dit à son épouse, je me sépare de toi. Ou je te libère. Je me sépare de toi, je te libère. Ou je me désavoue, ou Mada, Yanni, peu importe la prononciation qu'il utilise, lui, il dit cette parole-là en ayant l'intention de la divorcer. Est-ce que le divorce est effectif, Yahya? Non. Donc en fait, pour le talak, on n'est pas obligé de venir avec forcément la prononciation intitalak. Tu es divorcé. Mais même si tu dis je te libère et tu as l'intention de la divorcer, alors ça, ce sera compté comme un talak. Qala wa qawluhu ta'ala. Enfin, ce sera compté comme un talak en fonction de sa niyya. Là, là. Lui, dans tous les cas, c'est le talak. Yaqa biniyatihi. Oh, mais yani, avec sa niya, son intention à lui. Même si elle ne comprend pas. Même si lui, elle ne comprend pas. C'est lui, il a voulu dire, ouais, comme quoi elle est divorcée. Khalas. Après, pour que elle, comme une mutallaqa, il est obligé de lui dire de lui faire comprendre d'une manière claire. S'il vient par exemple, il parle en arabe et elle ne comprend pas un mot d'arabe. Tamam. Le talak il est compté, mais elle, est-ce qu'elle est dans le péché si elle œuvre comme si elle était encore mariée? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris. Donc lui, ça sera une obligation pour lui de faire comprendre à son épouse ou son ex-épouse qu'il l'a divorcé. Là, on a dit s'il parle, s'il évoque une parole autre que le talak. S'il évoque une parole, s'il évoque le talak, il dit anti-talak. Toi, tu es divorcé. Mais maintenant, il n'a pas la niya de divorcer. Il veut juste lui faire peur. Ou il veut juste rigoler avec elle. Fama al-hukm ya ikhwan. Hein? Selon la niya. Ajd dalilok ya Asma. إنما الأعمال بالنية أحسنت ها إيه elle est divorcée quand même, mais c'est une raison parce qu'il y a un hadith qui dit qu'il y a deux choses, même si tu l'as dit pour rigoler, c'est effectif. Il y a un esclave et le divorce. Eh, نعم, نعم. Eh, نعم, نعم. فهذا الحديث ما حكمه صحيح ولا ضعيف يا أحمد؟ ها؟ فايز اذا نرجع الكلام الى صاحبنا من جزر القمر الله اعلم. طيب فشيخ مقبل عليه رحمه الله lui il a suivi la vie que même si tu dis talak, même si tu prononces le talak mais t'as pas la niya, le talak il est pas compté. Pourquoi? للحديث الذي ذكره أخونا عثمان. En vue du hadith الذي اتفق على صحته الشيخان البخاري ومسلم. يعني الحديث إنما الأعمال بالنية. طيب. Mais le hadith, comme évoqué nos deux frères Ahmed et Faiz, وهو حديث حسن. C'est un hadith حسن. ف يعني ماذا؟ نستدل به. نستدل به. والحديث ماذا؟ C'est un hadith de Abi Huraira où le prophète عليه الصلاة والسلام dit ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. Trois choses. Le fait d'être sérieux en celle-ci est un sérieux et doit être prise au sérieux. Et le fait de rigoler dans ces choses-là doit être prise au sérieux. Même si tu rigoles, c'est pris au sérieux. تمام وذكر النكاح والطلاق والرجعه النكاح والطلاق والرجعه ما معنى الرجعه يا ياسين ها محمد لا لا سلام revenir quoi وين رجع اي بس رجعه ما le verbe, non? Ouais, ouais, taïb, taïb. Mais là, on est regarde. Al-Nikah, Wat-Talaq, Wal-Raj'a. Revenir à ses propos, non? Revenir à ses propos, là. Après la talqa, reprendre la femme. Reprendre la femme. C'est-à-dire, une fois que tu l'as divorcée, tu la reprends. Si tu la reprends, là, il n'y a pas de plaisanterie. Si toi, tu lui fais comprendre clairement que tu l'as reprise, si tu rigoles sur ce sujet-là, en fait, on ne prend pas ton amusement, au contraire. Naam. Taïb. Donc ça, c'est un hadith qui est hassan. L'imam Muqbil, il te dit, j'avance le hadith muttafaqun alayh ala hadith al-hassan. J'avance le hadith qui est muttafaqun alayh ala hadith hassan. Tamam, innam al-amal bin-niyya. Ça, c'est un hadith muttafaqun alayh. Taïb. لكن يا إخوان كما سيمر بكم في كتب الأصول إذا عندنا دليلين وقد يحصل التعارض بينهما الأحسن أن نجمع بينهما. Le mieux c'est qu'on si on a deux preuves qui d'apparence se contredisent, le mieux c'est que on les rassemble. On essaye de trouver une parole qui nous fait œuvrer avec les deux. Donc le hadith que Cheikh Mourbil, sur lequel il s'appuie Inamal Amal Bin Niyya, celui-là, on l'appliquera sur les paroles qui ne sont pas claires. Je te libère, je te tourne le dos, ou toutes ces paroles-là, là, on va revenir à la niyya. S'il avait la niyya de la talaq, khalas, taqa. S'il n'avait pas la niyya, ma yaqa. Maintenant, s'il vient à dire « je te divorce », on a un hadith. On a un hadith qui est clair. On a un hadith qui est clair. Ce hadith d'Abi Huraira, il est clair. Il est hassan. Certains disent qu'il est sahih. Ou hassan. « Ala kulli hal », s'il dit cette parole-là d'une manière claire, le divorce, il tombe. Le divorce est effectif, même si il ne le pensait pas. Non. طيب دونك نرجع على الشابيتر وقوله تعالى وسرحوهن صراحا جميلا واسرحكن صراحا جميلا فامساكم بمعروف او تسريح باحسان وقال او فارقوهن بمعروف وقالت عائشه قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. Donc tous ces versets, ce hadith là, l'auteur il les a évoqués pourquoi, Yahouan? Pour t'appeler Allah Subhanahu wa Taala. Pour nous montrer que Allah Subhanahu wa Taala, lorsqu'il parle du divorce, il n'a pas employé forcément le talaq. Dans tous les versets. Là, il parle de tasrih. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Tamam. Ou tasrih, le fait de libérer. Tu vois, ça peut être... C'est pas le mot du divorce, mais s'il y a la niya, ça compte comme un divorce. طيب. نعم. بَابُ سُو خُلُقِ الْمَرْأَةِ سَبَبٌ فِي طَلَاقِهَا. نعم. Donc là, c'est un autre chapitre. Qui concerne le mauvais comportement de la femme est une cause de qui peut attirer son divorce. نعم وهذا باب مهم جدا. هذا باب مهم جدا. وينبغي للنساء خاصة أن يلقين السمع. فمثل هذه الأمور من أعظم ما يسبب الفراق بين الزوجين. Donc le mauvais comportement de l'épouse est vraiment l'une des causes principales en général de divorce. نعم. طيب يا إخوان. قد يقول القائل يسبق ان personne puisse vous dire que il y a certains comportements Par exemple, le fait que la femme lève sa voix sur son mari. Est-ce que ça, c'est un mauvais comportement ou c'est un bon comportement? Mauvais comportement? Taillé. Mauvais comportement, voilà chaque. Voilà chaque. Wal hadha qad yusabbib talaq. Qad yusabbib talaq. Ça, c'est des comportements qui peuvent aller même jusqu'à entraîner le divorce. Naam. وَلَعَلَّكُمْ سَمِعْتُمْ قِصَّةَ عَمَرَ عَمَرَ ابْنُ الْخَطَّابِ. Qui c'est qui a déjà entendu l'histoire de Omar ibn al-Khattab? Lorsqu'un homme est venu le trouver, il voulait se plaindre de son épouse. سَمِعْتَ? Tu as entendu? Il voulait se plaindre de son épouse. Il est arrivé jusqu'à la porte de Omar. فَسَمِعَ زَوْجَةَ عَمَرَ تصيح فوق عمر وهو ساكت وهو ساكت تمام. Vous avez tous entendu cette histoire? Hein? Non? Vous connaissez pas cette histoire? Vous connaissez pas cette histoire? Hein? Non. C'est ضعيف. ايوه ايوه هذا الذي نريده. نعم هذه القصة يا إخوان لا تثبت. C'est une قصة qui est معروفة لكن لا تثبت. Comme quoi un homme il est venu trouver, je vous lis la قصة parce qu'elle est, elle est quand même, c'est une belle histoire. Un homme qui est venu trouver Omar ibn al-Khattab. فقال نعم أن رجلا جاء إلى عمر يشكو إليه خلق زوجته فوقف ببابه ينتظره فسمع امرأته تستطيل عليه بلسانها وهو ساكت لا يرد عليها. Donc cet homme là il est venu voir le voir Omar ibn Khattab pour se plaindre de son épouse, du mauvais comportement de son épouse. Et il a attendu à la porte de Omar jusqu'à ce que Omar sorte. Et c'est là qu'il entend la femme de Omar يعني élever sa voix sur Omar sans que lui ne lui réponde. فانصرف الرجل قائلا اذا كان هذا حال امير المؤمنين عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب فكيف حالي. Il dit ça si ça c'est la situation de l'émir, le prince des croyants, qu'est-ce qu'il en serait de ma situation si le prince des croyants le crie dessus comme cela, alors pourquoi je vais me plaindre à lui. Donc il est parti. فخرج عمر فرآه موليا فناداه ما حاجتك يا اخي. Et donc Omar il est sorti, il a trouvé l'homme qui partait. Il lui a dit oh mon frère, qu'est-ce que je peux faire pour toi, c'est quoi ton besoin? فقال يا امير المؤمنين جئت اشكو اليك خلق زوجتي واستطالتها علي فسمعت زوجتك كذلك فرجعت وقلت اذا كان هذا حال امير المؤمنين مع زوجته فكيف حالي. Donc cet homme-là, il dit à Omar, il dit, j'étais venu pour me plaindre de mon épouse, et lorsque je suis venu à ta porte et que j'ai entendu ta femme, comment elle te parlait, je me suis dit, si ça c'est la situation du prince des croyants, comment je me plaindrai de moi de ma situation. فَقَالَ لَهُ عُمَرْ. Et Omar, il lui a dit, إِنَّمَا تَحَمَّلْتُهَا لِحُقُوقٍ لَهَا عَلَيَّ إِنَّهَا طَبَّاخَةٌ لِطَعَامِ وَخَبَّازَةٌ لخبزي وغسالة لثيابي ورضاعة لولدي. Donc le Omar il dit je patiente sur elle car en vue des droits qu'elle a sur moi. Et certes cette femme là elle cuisine mes plats, elle me fait du pain, elle lave mes vêtements, elle allait mon fils. نعم وليس ذلك بواجب عليها. Et ceci n'est pas obligatoire sur elle. وَيَسْكُنْ قَلْبِي بِهَا عَنِ الْحَرَامِ. Et avec elle, mon cœur s'apaise face aux interdits d'Allah Azza wa Jal. فَأَنَا أَتَحَمَّلُهَا لِذَلِكَ. Et c'est pour ça que je patiente sur elle. فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ زَوْجَتِي. Et la personne elle dit à Omar, ô prince des croyants, mon épouse est pareil que la tienne. C'est-à-dire, elle fait les mêmes choses. قَالَ فَتَحَمَّلْهَا يَا أَخِي فَإِنَّمَا هِيَ مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ. Donc, Omar, il a conseillé à cet homme-là de patienter sur son épouse, car certes, c'est pour une courte période. يعني هذه الدنيا لا تدوم لأحد. والمدة قصيرة بالنسبة إلى الآخرة. طيب نعم فهذه القصة يا إخوان لا لم نجد لها أصلا ولا وجدنا أحدا من أهل العلم بالحديث تكلم عليها بشيء. Personne parmi les savants du hadith qui ont évoqué ce récit. نعم. Ce sont juste certains pieux prédécesseurs qui l'ont évoqué, comme Ibn Hajar Al-Haythami, c'est pas Al-Asqalani, Al-Haythami, et d'autres. Ils ont évoqué cette histoire sans jamais évoquer son sanad. Sans jamais évoquer son sanad. Et quand ils ont évoqué cette histoire, ils l'ont évoqué d'une manière dont on peut comprendre la faiblesse de l'authenticité. Par exemple, ils vont dire « Dukira anna rajulan ». Il a été dit qu'un homme a dit. Quand vous voyez ce genre de phrase ou ce genre de syntaxe, ça indique tout de suite que y a un problème d'authenticité. Tamam. طيب. وهذا يدل على أن القصة لا تصح. ويؤيد ذلك ما يلي. Et aussi ce qui affirme que l'histoire elle est pas authentique. مخالفتها للمشهور عن عمر. Elle contredit ce qui est connu de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu fi sirateh min kawnihi kana muhaban lin nas fa kayfa bi zawjatihi. Parce que tout le monde sait que Omar ibn Khattab c'était quelqu'un d'extrêmement craint. C'est-à-dire les gens ils le craignaient d'une crainte ajib. Kana muhaban ça veut dire il était redouté, il était et que ce soit par les hommes comme par les femmes. Même sa fille Hafsa, qui est la mère des croyants. Eh نعم. Fa نعم. Fa kana muhaban wa qad qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma ma kastu sana uridu an as'ala Umar ibn al-Khattab an aya fama astati'u an as'alahu haybatan lah. Abdullah ibn Abbas dit je suis resté un an à vouloir poser une question à Omar ibn Khattab au sujet d'un verset. Et j'ai pas pu lui poser la question par crainte de lui. J'ai pas osé me rapprocher de lui par crainte. Par crainte de lui. Wa qala Amr ibn Maymoun, shahidtu Omar radiyallahu anhu yawma tu'ina fama man'ani an akuna fi saff al-awwal illa haybatuhu. وكان رجلا مهيبا. نعم. Ce tabi'in, il dit j'ai été là le jour où Omar il a été poignardé dans sa prière. Tamam. Et il dit je n'ai pas pu assister à la prière au premier rang juste parce que je le craignais trop. Je pouvais pas me poser derrière lui. نعم. Juste par crainte d'être trop près de lui. نعم. Ça, c'est ce que Omar, il avait, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Omar. Et en vérité, c'est pas étonnant, Yair Khouan. Omar, c'était quelqu'un, shaitan, quand il le voyait, shaitan. Il le voit dans un trottoir, il va changer de trottoir. Comme le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous a informé. Et en vérité, Yair Khouan, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à cet homme-là, c'est surtout pour sa sincérité. Plus tu es sincère envers Allah, azza wa jal. Et plus tu t'accroches à son adoration, la siyama al-qiyam al-layl. Al-qiyam al-layl, yu'ti les shakhs haybatan azima. Le fait de faire la prière de la nuit, ça donne à l'individu une comment je pourrais dire ça là, une aura. Eh wa ahsant, une prestance, une aura incroyable. Hatta yadhkuruna 'an Ibn Abbas. Ibn Baz, lamma kana yadkhul al-masjid, kana an-nas yuhibuna. Ibn Baz, malgré qu'il est aveugle, malgré qu'il vient en chaise roulante, lorsqu'il est entré dans la mosquée, les gens, ils avaient peur. Ils craignaient, enfin, C'est pas une peur. C'est vraiment une peur respectable. Voilà, tu sens que voilà, il dégage un aura, il dégage une prestance incroyable. نعم. وهذا بسبب العبادة وخاصة القيام الليل يا إخوان. ونحن في أيام الشتاء والقيام الليل أسهل ما يكون. On est en période d'hiver et le qiyam al-layl c'est plus facile durant la période dans laquelle nous nous trouvons. Donc il est bon de ne pas négliger cette grande adoration. طيب. وكذلك parmi les choses qui nous font dire que cette qissa est da'ifa, رفع صوت الزوجة أو رفع صوت زوجة عمر عليه رضي الله عنه أو رضي الله عنهما حتى يسمعها من حتى يسمعها أو يسمعها من الخارج وهو ساكت منكر غير محتمل. Le fait que l'une des épouses de Omar, elle viendrait à crier jusqu'à ce qu'on l'entende, on entende sa voix de l'extérieur, ça c'est quelque chose de quasi impossible. Et Omar il stait en plus, ça c'est quasi impossible. والذي يعرف حال أمير المؤمنين ينكر ذلك بالقطع وهو الذي كان يخاف الشيطان منه ولو سلك فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه. نعم. ورفع النساء أصواتهن واستطالتهن على أزواجهن لا يعرف في السلف. Et le fait que les femmes avaient pour habitude de crier sur leur mari ou de lever leur voix, ça, c'est une chose qui n'était pas connue chez les pieux prédécesseurs. Donc, comment on pourrait affirmer cela pour Omar ? وكذلك, lorsqu'il dit dans le hadith, وذلك ليس بواجب, ليس ذلك بواجب عليهن, ou عليها. Le fait qu'ils disent, elle prépare pour moi, elle fait du pain, elle lave mes vêtements, et il dit, et cela, elle allait mon enfant, et cela n'est pas wajib, cela n'est pas obligatoire. Or, l'avis de certains savants comme Cheikh l'Islam ou autres, c'est que khitmat al-mar'a, les zawjiha, wajib. Le fait que la femme soit dans accomplisse le service de son mari ou soit dans le service de son mari, c'est une chose obligatoire. C'est une chose obligatoire. فالخلاصة أن القصة هذه لم تثبت. Donc le récit là, لم يثبت. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. Trois catégories de personnes invoquent Allah sans qu'il ne soit exaucé. Écoutez bien ce hadith. Trois catégories de personnes invoquent Allah sans qu'il ne soit exaucé. Rajulun kanat tahtahu imra'atun sayya'a ou sayya'atul khuluq فلم يطلقها ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله عز وجل ولا تؤتوا سفهاء أموالكم. طيب, trois catégories de personnes, s'ils invoquent Allah, leur invocation n'est pas acceptée. La première, un homme dont l'épouse a un mauvais comportement et il ne la divorce pas. Un homme dont l'épouse a un mauvais comportement et il ne la divorce pas. La deuxième personne, un homme qui doit une chose à quelqu'un sans avoir pris de témoin. Soit il a fait une vente, soit il a une dette, soit... Mais il n'a pas de témoin. Il n'a pas voulu prendre de témoin. Vous voyez ? Et la troisième catégorie, une personne qui a donné son argent à sa fille, à une personne dont... ouais, un idiot. Il a donné son argent à une personne idiote ou dépourvue de droiture, dépourvue de raison. Tamam ? Donc ces trois catégories de personnes... On n'accepte pas leur invocation. Donc là, l'homme qui ne divorce pas sa femme. Mada tafham min al hadith ya Aba Hind? Qu'est-ce que tu comprends du hadith ya Aba Hind? Oh ya Aba Hind. voir face à face avec un amour. Dans le cas, ça, je peux accepter. C'est celui qui ne divorce pas sa femme, hein, celui qui ne divorce pas sa femme, alors qu'elle a un mauvais comportement, ben ses avocations, elles ne sont pas acceptées. Tamam ? C'est ce qu'on pourrait comprendre du hadith. Zahira. Lakin ya ikhwan, arrujou ila ahli l'ilm, fadila. Wanour. Celui qui prend le hadith comme ça, il va le comprendre comme ça. Or, si tu reviens sur les shurahat des savants, tu vas voir que en vérité, la compréhension de ce hadith n'est pas à prendre de son sens apparent. نعم. فليس المقصود من هذا الحديث أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى فلا يستجاب لهم بشكل عام. Ça veut pas dire que ils vont invoquer Allah Azza wa Jal et ils seront pas exaucés d'une manière absolue. Non. Le but du hadith, إنما المقصود كما شرحه أهل العلم أنه لا يستجاب لهم في هؤلاء. Le maqsoud du hadith, la yustajabu lahum fi haula. Et leurs dua, leurs invocations ne seront pas acceptées si par exemple l'homme, il fait des invocations sur sa femme qui a un mauvais comportement. Tamam ? Pourquoi ? Parce qu'il était dans une... Allah subhanahu wa ta'ala lui a laissé le libre choix de la divorcer. S'il ne l'aime pas, il ne l'invoque pas sur elle. Ou si il voit qu'elle le fatigue, qu'il ne l'invoque pas sur elle, il la laisse partir. Il la divorce. Et donc lui, quand il va invoquer sur elle, ces invocations-là, elles ne seront pas acceptées. Mafoum ? Kadhalik, celui qui a, par exemple, il a laissé un bien chez une personne. Mais il n'a pas de témoin. Il n'a pas voulu prendre de témoin. Si demain, cette personne, elle vient, elle dit non, tu ne m'as rien laissé. Ma fille, ma score. Il dit non, moi, je ne me rappelle pas. Tamam ? Lui, il n'a pas de témoin. Il dit, ah, tu m'as zalim. Ah, je lève mes mains au ciel et je vais demander à Allah, kada wa kada wa kada. Lui, du moment qu'il n'a pas pris de témoin alors qu'il avait le moyen d'en prendre et qu'il savait que c'est l'importance que les témoins ont dans ce genre d'affaires, du moment qu'il n'a pas pris de témoin, ces dua ne sont pas acceptés. Ces dua ne sont pas... ces dua sur cette personne-là ne sont pas acceptés. Kada, avec celui qui donne son argent à quelqu'un qu'on qualifie d'idiot. Et quand on dit on qualifie d'idiot, ça peut être... La naïveté. Ouais, ça peut être naïf. La naïveté. Par exemple, tu donnes, je sais pas moi, allez, tu vas donner 1000 euros à un enfant de 10 ans. Et tu lui dis, garde-moi cet argent-là. Tamam ? Un enfant de 10 ans. Ou de 6 ans, ou là. Tamam ? Lui, si l'enfant, il vient et lui dit, il a perdu l'argent, ou l'argent est parti, ou il a donné à ses copains, ou là, kada. La personne qui lui a donné, elle ne peut pas faire des deux-uns sur cet enfant-là. Mafoum ? Vous avez compris le hadith ? Quand on dit deux-uns contre cet enfant, c'est contre la femme. Ouais. C'est dans le sens où la vocation, elle est pour elle, dans le sens où il y a... Non, contre elle. Contre elle. Si c'est pour, c'est pas... Il y a une là-bas, c'est une... Ma etrol fi hada al-bab. Tamam ? Comme hadakillah... Ouais, comme le fait de... Aslan, on le verra la semaine prochaine, dans le chapitre qui suit. Le fait de faire preuve de patience sur la femme qui a un mauvais comportement, c'est une bonne chose. C'est recommandé. Tamam ? Donc, le hadith, ya ikhwan, laissa fihi dalala ala annahu yajib al-talaq. Il n'y a pas de dalil dans ce hadith, comme quoi, celle qui a un mauvais comportement, on se doit de la divorcer. Mafoum ? تمام لكن الحديث ما صحته الحديث اسكي لي صحيح ولا ضعيف اخونا اياد وفقه الله جعله في هذا الكتاب على انه صحيح لكن يا اخوان بعد النظر وجدنا اقوال بعض اهل العلم على انه ضعيف. Donc l'auteur, il a évoqué ce hadith comme quoi il est sahih. D'ailleurs, il a dit Rawahu al-Hakim wa Ibn Abi Shaybah wa sahhahahu al-Albani. Donc c'est un hadith que l'imam al-Albani rend authentique. Mais de toute façon, il n'y a pas de problème, parce que s'il est authentique, il sera selon l'explication qu'ont fait les savants de ce hadith. Sinon, Cheikh Al-Uthaymin dit que ce hadith n'est pas vrai. Parce que celui qui a une femme mauvaise, mauvaise خلق ينبغي أن يربيها ويحسن رعايتها ما لم يكون سوء الخلق في عرضها. Donc Cheikh Al-Uthaymin dit ce hadith là il est pas sahih, parce que déjà son sens, si on le prend de sens apparent, son sens il convient pas. Il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il dit que la femme qui a un mauvais comportement, on se doit de l'éduquer. Son mari se doit de l'éduquer et d'exceller dans son apprentissage, d'exceller dans son éducation. Non. Et de patienter là-dessus. Après, il te dit sauf ma lam yakun sou al khuluq fi irdiha. Du moment que son mauvais comportement ne concerne pas son honneur, l'honneur de cette femme et de surcroît l'honneur de cet homme-là. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Elle ne le déshonore pas. Par derrière. Ayo, c'est. Elle ne le déshonore pas, c'est-à-dire. Elle ne le déshonore pas. Elle ne le déshonore pas. Voilà, naam. Si, c'est-à-dire, elle ne le trompe pas. Si son mauvais comportement il atteint ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle le trompe ou là, قال الشيخ العثيمين ما لم يكن سوء الخلق في عرضها نعم في عرضها فإن كان سوء الخلق في عرضها فإن إقرارها على ذلك من الدياثة. Parce que si, toutefois, son mauvais comportement, il l'emmène à tromper son mari, le fait que son mari reste avec elle, et elle est dans ce hal-là, c'est-à-dire elle s'est pas repentie, pour elle, c'est normal. Lui, le fait qu'il agresse cela dans son foyer, ça va le conduire à être ce qu'on appelle un deyouth. Ma ma'na deyouth, ya ikhwan. Voilà, c'est un laxiste, celui qui n'a pas de jalousie envers ses proches, envers ses maharim. Et il est comparable au cochon. نعم فيما ذكروا. نعم والعياذ بالله. طيب قال اما اذا كان سوء الخلق في كونها سريعة الغضب بطيئة في الشغل وما أشبه ذلك فهذا قد يكون من الخير أن يبقيها أو أن يبقيها. Donc si c'est son mauvais comportement il est en dehors de cela, c'est-à-dire le fait que des fois elle s'énerve, elle se met en colère ou là ou autre, alors là c'est peut-être mieux pour lui qu'il patiente sur elle et qu'il continue à l'éduquer avec sagesse. نعم. وكذلك الشيخ العثيمين il a évoqué plein de contradictions avec ce hadith, comme le fait que si par exemple quelqu'un il n'a pas ramené de témoin, comment Allah subhanahu wa ta'ala il va le punir de cette punition alors que le prophète alayhi salatu wa salam c'est déjà venu dans bon nombre de hadiths qu'il a effectué des ventes sans forcément prendre de témoin. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, il s'est étonné de l'authenticité de ce hadith par rapport au fait que son texte en soi, il est critiquable. Tamam. Wa wajadtu fi ba'd ta'liqat Cheikh Yahya ala kitab Sunan al-Bayhaqi al-Sughra, wajadtu hadha al-hadith wa Cheikh Yahya yaqul anna hadha al-hadith mawquf. صحيح موقوف وهو في احاديث المعلة للشيخ مقبل. Donc c'est un hadith que même Cheikh Mokbel il l'avait authentifié au début, et après vers la fin de sa vie il a vu qu'en fait il y avait une maladie dans la chaîne de transmission. Et il l'a classé ensuite dans les hadiths mu'illa. À la kulli hal, le dars aujourd'hui, c'était sur le comportement. Il est impératif à la femme de s'améliorer dans son comportement envers son mari. Et lorsque, en vérité, elle médite sur le fait que le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit à une des femmes, des compagnons, « Wayhaki, innahu jannatuk wa naruk. » Fais attention, malheur à toi, car ton mari, c'est ton paradis ou ton enfer. Ça, c'est des choses que les femmes, en général, peuvent, c'est des adillah ou des preuves que les femmes peuvent oublier à certains moments donnés, mais qu'il est bon de rappeler. Car le mari, pour la femme, c'est l'une des plus grandes portes par laquelle elle peut entrer au paradis. Juste en étant avec son mari d'une bonne cohabitation. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et vivez, cohabitez avec elle d'une bonne cohabitation. Et Inch'Allah, dans le dars prochain, on verra que même si la femme fait preuve de... ou peut avoir à un certain moment donné des mauvais comportements, le mieux c'est de patienter. Le mieux c'est de patienter sur elle. Et comme l'a dit Abdel Ghani, de faire des du'as. Du'a, c'est l'arme du mu'min. La du'a, c'est l'arme du croyant. Et lorsque tu fais des du'as, la ta'yas. Il ne faut pas désespérer. Parce que beaucoup de frères, l'asaf, lamma tasma'ahum, يقول دعوت دعوت دعوت والان ما تغيرت. Certains disent ouais, j'ai fait des invocations mais jusque là elle a pas changé. لا يا اخي اصبر اصبر. نوح عليه الصلاه والسلام كم صبر على قومه. نعم. والمراه اذا كرهت شيئا ترضى شيئا اخر. La femme, tu peux détester en elle un comportement mais tu vas en aimer un autre. Par exemple, tu vas la voir lire le Coran. Tu vas la voir يعني ماذا أقبل ستقبل على طلب العلم وعندها ديانة وعفة وشيء من ذلك. Tu la vois qu'elle s'accroche à son dîn, qu'elle aime le طلب العلم, qu'elle aime faire apprendre sa religion, qu'elle est chaste, que plein d'autres caractéristiques que tu vas trouver et avec ça tu t'apaises. L'insan yasbir ala soui khuluq al-mar'a wa al-mar'a tuslih nafsaha bi husn al-khuluq ma'a ba'liha wa ila huna wa assalamu alaykum wa rahmatullah. On a encore un temps pour prendre les questions. S'il y a des questions, inshallah après la salat, inshallah. Pour celles qui ont des questions, inshallah après la salat.